بسم الله الرحمن الرحيم. نخوض اليوم آخر حديث وآخر درس من هذا الكتاب المبارك. Ça c'est le dernier redout, le dernier cours, d'accord, de ce livre qui est le livre de la Salat de Umdat al-Ahkam. Toujours dans la Salat de Al-Janaza. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الخامس وستين بعد المئة 165e حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاهد الجنازة حتى يصلى عليها فلو قيراط ومن شاهدها حتى تدفن فلو قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم أسخرهما مثل جبل أحد. Donc selon Abu Huraira رضي الله عنه le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit celui qui suit une janaza jusqu'à ce qu'on la fasse salat sur elle, il aura la récompense d'un kirat. Et un kirat, c'est une montagne qui est immense, dont la plus petite serait de la taille de Uhud. Et celui qui suit cette janaza jusqu'à ce qu'elle soit enterrée, il aura alors deux kirat, deux récompenses, deux montagnes de récompenses. Et là, il est interrogé justement à Abu Huraira, c'est quoi un kirat? C'est là qu'il a expliqué. Ou plutôt, c'est quoi deux kirat? Il a dit, c'est comme deux montagnes immenses, dont la plus petite c'est de la taille de Uhud. Et Uhud est une grande montagne. Naam. Yaqulu fadilat al-shaykh ibn al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Ar-Rawi, le rapporteur, c'est Abu Huraira, dont on a déjà parlé auparavant. Mawdu' al-hadith bayyana ajra man ittaba'a al-janaza. Pour montrer justement la récompense de celui qui suivra une janaza. C'est-à-dire du moment où elle sera apportée pour faire la salat sur elle, jusqu'au moment où elle sera emmenée au cimetière pour être enterrée, ou le contraire. Ou le contraire. طيب يقول في الشرح الإجمالي من الحديث يخبر أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يرغب في تشييع جنازة واتباعها الصلاة عليها حيث أخبر صلى الله عليه وسلم أن من اتبع الجنازة فصلى عليها فله قيراط من الأجر. Donc Abu Huraira informe que le Nabi صلى الله عليه وسلم afin de pouvoir inciter les gens et les motiver, leur donner envie de suivre les janazas et de faire la salat sur elles, a informé que celui qui la suivra aura la récompense de l'équivalent d'une montagne. Et que celui qui la suit, donc celui qui la suit jusqu'à ce qu'elle soit enterrée et finie, alors il aura un autre kirat, une autre montagne justement de récompense. D'accord ? وذلك لما فيه من القيام بحق أخيه المسلم والدعاء له والتفكير بمآل وخبر قلب وقلوب أهل البيت وغيرها وجبر جبر قبول أهل البيت وغيرها من المصالح لما حدث ابن عمر بهذا الحديث وقال لقد ضيعنا قرارات كثيرة. Cela pour cela comprend justement comme droit à rendre musulman, car si sa janaza c'est un droit qu'il a. Et l'invocation qu'on lui accorde, qu'on fasse, que Allah lui fasse miséricorde. Et cela rappelle également les affres de la mort, ce qui nous attend après la mort. Et cela également comme consolation pour les cœurs de ses proches. Hein, et d'autres intérêts. Et lorsque Ibn Omar a entendu ce hadith, il a dit, combien avons-nous perdu justement de montagnes de récompenses? Du fait qu'il ne savait pas cela, qu'auparavant beaucoup d'entre eux faisaient la salat après s'en aller. Il a dit, combien avons-nous permis, avons-nous perdu comme montagne de récompense. Subhanallah. Tayyib. Yaqul min fawaid al-hadith. Fadilat ittiba' al-janaza wa salat 'alayha wa dafniha. Le mérite justement de suivre une janaza, de faire la salat sur elle et de l'enterrer. Thaniyan anna man taba'a al-janaza hatta yusalli 'alayha falahu min al-ajr qirat wa man istamarra ma'aha hatta tudfan falahu qirat akhar. Celui qui suit une janaza jusqu'à ce qu'on fasse la salat sur elle, il aura la récompense d'une montagne. Et celui qui continue jusqu'à ce qu'elle soit enterrée, il aura la récompense de deux montagnes. Thalithan, an al-jaza biqadr al-amal, que la rétribution est en mesure de l'acte. Rabi'an, karamat al-muslim ala Allah ta'ala, haythu athaba man ittaba'a janazatahu hatta yusalli 'alayha aw tudfanu bi hadha al-ajr al-'azim. Ce qui montre justement l'honneur du musulman auprès d'Allah azza wa jall, du fait qu'il met comme récompense à celui qui suivra une janaza, jusqu'à ce qu'on fasse comme la salat sur elle, et qu'elles soient enterrées, une récompense immense qui lui sera accordée. Et à savoir que dans ce bab, plein de hadiths n'ont pas été cités, comme par exemple la vocation à dire sur le mort, ou Rel Zalika, plus de détails sur la façon de laver le mort, ou des certaines règles relatives au suivi de la janaza. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'auteur a mis les hadiths qui étaient seulement rapportés dans le Bukhari al-Muslim communément. C'est tout. Mais d'autres hadiths sont là pour compléter la chose. Donc nous, on se contente de cela. Et bien, hadal qadl, naktafi, on asala Allah azza wa jal, an yanfa'a bima samina wa ma qara'na, wa naj'alika nafi'an lil ummah, et qui nous pardonne dans les erreurs. Que si jamais j'ai vu juste, cela vient d'Allah azza wa jal seul. Et si jamais je me suis trompé, cela vient de moi-même ou de Shaitan. Fa subhanaka Allahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.